semble de naïveté. C'est pour tromper mon angoisse, pour que la joie refasse surface. Mais je suis tellement mauvais magicien que l'envers de mon bien ne m'épargne rien. Je suis un tigre de papier, un éternel insatisfait. Je suis un ours bien léger, trop le bateau un peu distrait. Si j'ai choisi de l'exotisme pour vous prouver mon optimisme, c'est pour dissiper la brume de ces vastes amertumes. Je pas.